Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Comment est-ce que pourquoi un pays comme le Venezuela, con redondeando un millón de kilómetros cuadrados, avec presque un million de kilomètres carrés, du Libertador, la mayor reserva de petróleo, la plus grande réserve de pétrole après le Golfe Persique, à l'héritier, una de las reservas de oro más grandes, l'une des plus grandes réserves d'or du monde, la mémoire de l'indépendance, el inmenso avec l'immensité des Caraïbes que nous avons devant nous. Las grandes reservas, avec ses réserves forestières, avec ses grands fleuves, ses millions d'hectares et de terres fertiles, ses montagnes de fer, ses grandes réserves de bauxite, de pierres précieuses, de diamants. Y sin embargo, una democracia, et malgré cela, une démocratie a mené le pays à la pauvreté dont nous avons hérité et qui touche 80% de la population. Quelle est cette démocratie? Quelle démocratie peut-elle être ça? Cette semaine, le Venezuela. Chapitre 5, naissance d'un nouveau mythe et bilan des mandats. Je nací una casa. Je suis né dans une maison au sol de terre battue. En invierno, pendant l'hiver, l'eau s'infiltrait partout. C'était un hameau, Sabaneta de Barinas, sur les rives du Bocono, peuplé de petits oiseaux qui pépiaient sans cesse, de coqs qui chantaient au petit matin, de grenouilles et de crapauds qui donnaient des concerts la nuit, des grillons, le chant des grillons, la savane. Je suis un homme de la plaine. Quand j'étais enfant, je me souviens que pendant les nuits obscures, après l'arrêt du groupe électrogène, la nuit devenait profonde et pleine de mystères. Commençaient les histoires des anciens, et les enfants écoutaient, la peur au ventre. C'était des histoires de fantômes, la Sayona, l'âme solitaire, les fantômes de la savane. Ma grand-mère racontait qu'un Chavez était parti avec Zamora sur les chemins, et elle désignait l'ouest en direction de Barinas, la capitale. Elle parlait de 1885, lorsque Ezequiel Zamora, le leader de la révolution paysanne, qui avait repris la bannière de Bolívar, trahi 20 années après sa mort, a soulevé le peuple des campagnes et a démis l'oligarchie, là-bas, à Barinas, justement. Et il est passé par Sabaneta. Tout cela est vrai, et aujourd'hui encore, c'est une histoire transmise de génération en génération. Du côté de ma mère, il y avait les histoires du grand-père. Certaines femmes de la famille disaient de lui qu'il était mauvais. Alors je subissais ça. Tu sais, on avait un grand-père assassin. Mais plus tard, pendant mon adolescence, j'ai étudié l'histoire régionale et nationale, plus encore à l'école militaire. Quand j'ai commencé à étudier, j'ai découvert que mon grand-père n'était pas un assassin. Je porte sur moi son scapulaire. Il a plus de 100 ans. C'est celui de la Vierge du Carmen, celui que portait mon grand-père. Il était soldat et avait combattu dès l'âge de 15 ans. Il a participé aux révolutions de la fin du 19e siècle qui cherchaient leur voie parce que le Venezuela s'était égaré à la mort de Bolívar. Pourquoi un pays comme le Venezuela, avec presque un million de kilomètres carrés, la plus grande réserve de pétrole après le Golfe Persique, l'une des plus grandes réserves d'or du monde, avec l'immensité des Caraïbes que nous avons devant nous, les grandes réserves forestales, avec ses réserves forestières, avec ses grands fleuves, la ubicación geográfica extraordinaire. Avec notre extraordinaire situation géographique, ces millions d'hectares et de terres fertiles, montañas de hierro, ces montagnes de fer, grandes reservas, ces grandes réserves de bauxite, de pierres précieuses, piedras preciosas, de diamants, diamantes, y sin embargo, una democracia, et malgré cela, une démocratie a mené le pays à la pauvreté dont nous avons hérité et qui touche 80% de la population. Quelle est cette démocratie? ¿Qué democracia puede ser esa? se cumplió ese día o esos días, porque fue una semana. La malédiction de Bolívar s'est accomplie durant cette semaine de révolte populaire. Bolívar l'avait dit, maudit soit le soldat qui tourne son fusil contre son peuple. Ce fut en vérité une tragédie historique, et je l'ai déjà dit, ces 28 et 29 février 1989 ont provoqué la révolte des militaires. Nous nous sommes réunis à Fortuna, à l'aube. Nous avons analysé la situation en petit comité, mais nous avions beaucoup de sympathisants partout dans le pays. Et nous avons décidé, nous l'avons même juré, que nous allions nous soulever contre le président Carlos André Pérez. C'est ce que nous avons fait 3 ans plus tard, comme tu le sais, le 4 février 1992. Camarades, c'est regrettable, mais pour le moment, les objectifs que nous nous étions fixés n'ont pas été atteints. Ici, à Caracas, nous n'avons pas réussi à prendre le contrôle du pouvoir. Vous vous êtes très bien comporté, mais il est temps d'éviter des effusions de sang. Il faut réfléchir. De nouvelles occasions se présenteront et le pays devra définitivement s'orienter vers un avenir meilleur. Alors écoutez mes paroles, écoutez le commandant Chavez qui vous envoie ce message. Réfléchissez et déposez les armes, parce que nos objectifs n'ont pas été atteints au niveau national et il est aujourd'hui impossible d'y parvenir. Camarades, écoutez ce message de solidarité. Je vous remercie pour votre loyauté, votre courage, votre générosité. Devant le pays et devant vous, j'assume la responsabilité de ce mouvement militaire bolivarien. Chavez est arrêté, condamné à une lourde peine de prison, mais son message a été entendu. Du jour au lendemain, le jeune commandant métis au béret rouge devient le Robin des Bois des bidonvilles de Caracas. La convalescence semble interminable au Venezuela. Les banques font chaque jour faillite, 30 pour la seule année 1993. Après des années de prospérité pétrolière mal partagée, le pays affiche une situation de ruine financière. L'ancien président Carlos Pérez, convaincu de corruption, est une fois encore mis au devant de la scène. Cette fois, la Cour suprême engage, sous la pression populaire, une procédure judiciaire à son encontre. Ancien guérillo des années 60, Théodore Petkoff fonde le Parti socialiste et devient ministre de l'économie sous la présidence de Rafael Caldera. Il devient directeur d'un journal d'opposition. Pourquoi les Vénézuéliens s'estimeraient-ils tenus à être honnêtes quand les chefs du pays ne le sont pas? C'était une période très agitée. Pérez venait d'être destitué, 2 putschs militaires avaient eu lieu, et des 4 candidats qui restaient à l'époque, nous avons pensé, je crois qu'on a eu raison, que le seul capable d'assurer une stabilisation de la vie démocratique et une transition pacifique entre 2 étapes historiques était Rafael Caldera. En 1994, Théodore Petkoff, alors ministre de l'économie, lance sous la pression du FMI une campagne de privatisation sans précédent. La même année, Chavez bénéficie d'une libération anticipée après 2 années de forteresse militaire. Je me souviens très clairement de ce jour-là, c'était le 26 mars 1994, un samedi de Pâques. J'ai enlevé mon uniforme devant un groupe de compagnons d'armes. J'ai mis mon costume civil et j'ai quitté mes frères militaires. Ce jour a été très émouvant, très profond. J'ai même versé quelques larmes parce que c'était la fin d'une époque. Sortir de prison, d'un côté la joie, mais de l'autre abandonner la vie militaire qui a été la passion de ma vie, une part de ce feu qui m'habite. Suivent 4 années de lutte ingrate, pendant lesquelles Chavez sillonne le pays. Sans l'appui des groupes de pression traditionnels, ceux étroitement imbriqués de l'argent, de la politique et des médias, il entraîne dans son sillage des masses de laissés-pour-compte, avec comme seule arme son charisme, son messianisme et son talent d'orateur. C'est pendant ces années de conquête du pouvoir qu'il forme son projet politique, le mouvement bolivarien révolutionnaire. C'était un mouvement politique spontané. De 92 à 97, il a commencé à se constituer en tant que parti, d'abord clandestin, avec peu d'écho au niveau national. Jorge Juan, universitaire. Quand est venue la période électorale et avec elle la nécessité de changer de nom, le MBR, Mouvement Bolivarien Révolutionnaire, se transforme en mouvement de la Ve République et le parti change forcément. Devient un parti orienté vers la victoire électorale, mais sans le besoin d'effectuer un quelconque travail politique. La figure politique de Chavez le rendait superflu. Ana Karina Rope, al Nucomitoto Paparoto Montero. El grito. Le cri indien du peuple vénézuélien résonne à nouveau dans la vallée de Caracas et sur toute la terre héroïque du Venezuela. C'est cela le terrible avantage et le terrible handicap du mouvement, parce que ce parti commence alors à devenir clientéliste. Au nom de la République et par autorité de la loi, je vous déclare en exercice de la présidence constitutionnelle de la République du Venezuela. Chavez hérite d'un pays qui attend avec impatience des changements très profonds. Théodore Petkoff. Et c'est vrai, 60% des Vénézuéliens votent pour lui, en estimant qu'il est l'homme qui dispose de l'autorité nécessaire, par sa formation militaire, pour redresser un pays en crise profonde. Hugo Chavez, président du Venezuela. Tu me demandes comment gouverner ? Avec de l'éthique, soutenue par un peuple qui est là et qui commence à recevoir l'impact positif d'un gouvernement engagé auprès de lui, en particulier les plus pauvres. Gouverner aussi en cherchant des accords avec les secteurs qui, même s'ils brandissent les bannières de l'opposition, doivent comprendre que le pays a besoin de sérénité. Gouverner aussi en reconnaissant et en acceptant ses erreurs, mais surtout avec flamme et avec volonté. Les oreilles, et pas seulement les oreilles, les yeux aussi entendent, ainsi que les mains. Il y a de nombreuses façons d'entendre, de voir, de sentir, enfin la voix de la nation. Tel est mon chemin. Pour redonner sa légitimité à l'État et répondre à l'attente de ceux qui l'ont hissé à la présidence, Chavez rédige une nouvelle constitution. Soumise à référendum, elle est créditée de 70% des suffrages. Elle est consignée dans un petit livre bleu. Elle se veut le remède absolu à tous les grands maux qui frappent le pays. Droit à l'éducation, à la santé, à la justice gratuite pour tous, reconnaissance des droits ancestraux des Indiens, tout y est, du moins en théorie. Chavez fait de son petit livre bleu l'arme principale de son combat contre la pauvreté et la corruption. Il ne sera jamais facile le chemin de la revendication d'un peuple. Il ne sera jamais facile le chemin de la reconstruction d'une patrie qui est atteinte dans son moral, dans sa politique, dans son économie, dans son fonctionnement. Nous sommes en train de réaliser une prouesse historique et on va la réussir. J'invite une fois de plus tous les Vénézuéliens à lire, à connaître, à discuter cette constitution et à travailler pour elle, comme nation, comme société, comme collectivité. Quelle qu'en soit la couleur, les petits livres rédigés en politique sont censés contenir l'ensemble des réponses aux problèmes d'un pays. La constitution de cette 5e République vénézuélienne offre sur le papier cette garantie. Face à la défaillance des institutions et pour éviter une explosion sociale, Chavez lance le plan Bolivar. Il mobilise l'armée à des fins humanitaires. Et voilà les militaires enrôlés dans la vie quotidienne. On en voit tracer des routes, d'autres construire des écoles, d'autres encore mettre à la disposition des populations défavorisées des hôpitaux mobiles, dirigés par des chirurgiens, là encore des militaires, mais aussi des civils. Les militaires au service de la promotion de l'homme, au service du développement social, et ils obéissent à une disposition constitutionnelle. L'association du civil et du militaire, c'est une partie essentielle du projet révolutionnaire. C'est sur les marchés dits bolivariens que le rôle de l'armée se révèle le plus efficace. Sa présence supprime le rôle des intermédiaires entre petits producteurs et consommateurs. Résultat, les prix chutent de 40%. Les militaires sont sur tous les fronts. Consultations ophtalmologiques, conseils juridiques, services rapides d'obtention des papiers officiels. Chavez rompt avec le personnel politique traditionnel discrédité pour s'entourer d'une équipe issue des cercles militaires qui lui sont fidèles. Siège également à ses côtés, dans la salle du Conseil des ministres, des membres du corps médical, des ingénieurs et surtout des universitaires. Comme vous le savez, la loi sur la terre a été approuvée il y a presque un mois. Certains ont émis des critiques. Nous les avons étudiées, nous allons la promulguer et la mettre en application à Santa Inés de Barinas, le 10 décembre. Jour anniversaire de la bataille de Saint-Inès. Et nous irons à cheval, tous à cheval. Celui qui a la moindre crainte, Davila lui montrera. Et vous montez seul ou accompagné? D'accord, j'accepte une compagne sur ma monture. Bon, Luisa, quelles sont les informations au sujet de la mise en application de la loi? Une des choses que nous avons observées au sujet de l'exploitation de nos terres, c'est qu'il y a d'immenses surfaces en friche. Avec sa réforme agraire, Chavez viole un tabou majeur en s'attaquant aux privilèges des propriétaires terriens. Son objectif, stimuler la productivité agricole en soumettant le droit de propriété à l'intérêt national. La mise en application de cette réforme sert de prétexte à l'opposition pour déclencher une violente campagne contre Chavez. Les propriétaires terriens de ce pays se sont appropriés les meilleures terres par la force. Ici, ils sont allés jusqu'à tuer beaucoup de gens, des paysans, des indiens, pour les chasser de leurs terres, en utilisant la force, en falsifiant des documents avec la complicité de juges corrompus. Nous sommes en train de réviser à fond les titres de propriété. Et pour celui dont les titres sont en règle, sa propriété sera respectée. Mais ceux qui sont dans le vide juridique, les personnes qui disposent de grandes propriétés sans pouvoir justifier leur appartenance, l'État a le devoir de les récupérer. Pourquoi faire? Pour les mettre en production et pour obéir à la Constitution. En réponse aux exigences de Chavez, la puissante union du patronat rompt toute relation avec le gouvernement et réclame l'annulation de la loi sur les terres au mépris des principes mêmes de la nouvelle constitution. Mais nous avons la légitimité du gouvernement pour prendre des décisions. Certains groupes considèrent le dialogue comme une contrainte, parce qu'ils s'étaient habitués à imposer leurs idées et leurs intérêts au gouvernement. Maintenant, nous sommes accrochés à l'intérêt national. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle cette minorité dit qu'il n'y a plus eu de dialogue. De nouveaux visages apparaissent sur la scène politique vénézuélienne. Outre Chavez, dans l'opposition à Teodoro Petkov, voici Enrique Capriles, cofondateur de Primero Justicia, l'un des nouveaux partis d'une opposition représentative des frustrations de la classe moyenne. Nous ne sommes pas de gauche, ni communistes. Nous n'appartenons pas à cette gauche fatiguée. Chavez avait un message radical contre le passé, pour lutter contre la corruption, contre le gaspillage, contre tous les travers de l'administration publique. Combien y a-t-il de prisonniers pour corruption en ce moment au Venezuela ? Aucun. Aucun. Aujourd'hui, pour les gens, le thème de la corruption n'a plus d'importance. Le président a échoué car il n'a pas la compétence pour être président, c'est sûr. Ils sont comme fous en demandant partout que je m'en aille, que je démissionne. Qu'ils vont convoquer un référendum. Voyez cette poignée de mauviettes. Je viens avec tous mes fers. Qu'ils m'attachent une jambe par derrière à la main gauche et avec une seule jambe. Je leur donne 90 mètres sur 100 mètres et je les bats tous. Sortez dans la rue. Le peuple y sera. Aquí está el pueblo. Las calles son del pueblo y no de los escuálidos. Les rues sont au peuple et pas aux mauviettes. ¿Qué carrizo le importa a la gente? Qu'est-ce que les pauvres ont à faire qu'on leur parle de révolution et qu'il faut créer des collectifs? Que m'importe une révolution qui ne me donne pas d'emploi? Et personne ne dit que cette révolution va créer des emplois. Mais la révolution dont ils parlent devrait renforcer le secteur privé, donner des opportunités au secteur privé, s'ouvrir aux investisseurs étrangers et leur donner des garanties. La sécurité, voilà ce qu'il faut. Hugo Chavez sera président du Venezuela pendant 14 années, incarnant d'une certaine manière cette idée du président à vie imaginée par Simon Bolivar. Mais un président à vie peut mourir. Et pour Chavez, ce sera le cas en 2013, peu de temps après le début de son quatrième et dernier mandat. Son atout maître, l'atout maître du pays, le pétrole, désormais industrie considérablement fragilisée. Jean-Marie Chevalier, économiste. L'économie vénézuélienne est quand même marquée par la prédominance du pétrole qui fournit 95% des ressources endevises du pays. Oui. Et donc l'argent du pétrole a été au centre de cette période Chavez. Avec notamment, si vous voulez, en 2002-2003, cette grève de la compagnie pétrolière nationale PDVSA. PDVSA voulait l'argent du pétrole pour se développer à l'international avec des ambitions très grandes et très fortes et une bonne qualité technique. Et de l'autre, Chavez voulait l'argent du pétrole pour ses œuvres sociales. Ses œuvres sociales internes et externes comme le pétrole pas cher pour certains pays pauvres de la zone. Et donc il y avait un conflit qui a été dramatique. Parce que cette compagnie pétrolière qui était plutôt en bon état avait à peu près 30 000 personnes. Maintenant elle en a 120 000. Il y a eu 20 000 personnes qui sont parties, qui ont été virées parce qu'ils avaient fait grève. Et donc la compagnie a été vidée de sa substance technique en quelques mois. La compagnie pétrolière n'a pas continué à faire des investissements sur le pétrole, d'où une production pétrolière qui diminue constamment depuis 2003 et une consommation qui augmente, qui est encouragée par un prix de l'essence qui est le plus bas du monde, de l'ordre de quelques centimes d'euros le litre. Et ça, c'est dramatique. Caracas est une des villes les plus polluées du monde, et ça encourage évidemment beaucoup de gaspillage et d'inadéquation. Donc, le résultat pétrolier et économique des mandats Chavez n'est pas très brillant. On peut faire du bien avec l'argent du pétrole, effectivement, en amenant la pauvreté à diminuer. C'est pas ça qui va entraîner un développement économique alternatif à celui du pétrole. Et le Venezuela est frappé, comme beaucoup de pays, par ce qu'on appelle la malédiction pétrolière. C'est-à-dire le pétrole vénézuélien n'a jamais entraîné le développement économique au sens fort du pays. Ces quatre dernières années, la crise s'est renforcée à cause d'un embargo économique croissant de la part des États-Unis. Sous Obama, les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions au Venezuela. Elles étaient très ciblées et visaient certaines personnes bien particulières. Trump a renforcé l'embargo et élargi ses sanctions au secteur financier. Mais depuis janvier 2019, elle touche les secteurs de l'énergie et du pétrole. La stratégie de Trump à l'égard du Venezuela ne dévie pas de la stratégie américaine habituelle. On choisit un adversaire, en l'occurrence le Venezuela, et on exerce une pression maximale sur lui en l'étouffant de sanctions, y compris en le menaçant d'intervenir militairement. Le souci, c'est que peu importe où les États-Unis ont essayé d'imposer leur approche, au Venezuela, en Corée du Nord, en Iran ou en Palestine, cela n'a jamais abouti. La crise au Venezuela ne date pas d'hier, mais l'escalade récente des sanctions économiques empêche le pays d'opérer sur les marchés financiers mondiaux, de rembourser ses dettes, de vendre son pétrole à l'international ou de récupérer son or placé dans des banques étrangères. Sans guerre économique, sans embargo financier et surtout sans sanctions, vous n'auriez pas ce problème. D'après un rapport rédigé par les économistes américains Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs, les sanctions ont plus durement touché la population civile que le gouvernement. Entre 2017 et 2018, la mortalité a augmenté de 31%, soit 40 000 décès supplémentaires, et plus de 300 000 personnes seraient en danger à cause du manque de médicaments ou de traitements adéquats. Ces données se rapprochent de ce que la Convention de Genève appelle « peine collective ». Ce que l'on voit ici, c'est la stratégie de la ville assiégée. Comme au Moyen-Âge, quand on faisait mourir de faim la population. Le but du système de sanctions américain, c'est d'affamer les Vénézuéliens et ainsi de provoquer un chaos pour que le peuple se révolte contre Maduro. On n'a pas le droit de refuser à un pays l'accès aux produits alimentaires de base. Malheureusement, c'est la situation que subit le Venezuela. Le gouvernement s'est peut-être fourvoyé et ne fait peut-être pas ce qu'il faut, mais il reste un gouvernement. Et en tant que tel, il a le droit de venir en aide à sa population. 4 millions de Vénézuéliens ont déjà fui le pays. Ils seront 5 millions d'ici la fin de l'année. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce chiffre équivaut à celui de la Syrie après 8 ans de guerre. J'ai 19 ans. Là d'où on vient, c'est le chaos. Les salaires permettent à peine de s'acheter de la farine, mais rien de plus. On ne peut se payer ni riz, ni sucre, ni rien d'autre. Les gens cherchent à manger dans la rue. Les enfants mendient et sont sales des pieds à la tête. Pas besoin d'aller chercher bien loin. C'est le cas à Maracaibo, par exemple. Ils se baignent dans le lac qui est super pollué. Ils boivent de l'eau non potable et se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Venezuela, la malédiction du pétrole, c'est le titre du prochain documentaire d'Histoire vivante à voir dimanche soir sur RTS2. Cette semaine était réalisée par Jérôme Nussbaum. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc